Cuisine Référence. Cuisine Référence, recommandée pour ses cuisines sur mesure et son accompagnement. Vous aussi, vous nous recommanderez. Cuisine Référence, créateur cuisiniste. Et en ce moment, jusqu'à 3000 euros offerts sur votre cuisine. Conditions sur cuisine-référence.fr. France Inter. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, The End, la fin, la mort, celle de Jim Morrison en 1971 à Paris. Parler de la mort du leader des Doors, c'est aussi, heureusement, parler de sa vie. Poète, torturé, chanteur, compositeur, sexe symbole, icône du genre, il était et restera l'une des figures majeures de la génération rock des années 60 et 70, adepte et guide de ce qu'on appelait la contre-culture. Avec son groupe non moins mythique, les Doors, il a réalisé une carrière musicale exceptionnelle et pourtant météorique, auréolée d'un succès planétaire, 6 albums seulement, mais cela suffit parfois à constituer une œuvre. Derrière l'image publique et adulée de Jim Morrison s'inscrit une autre réalité qui dépasse de loin les frontières de la musique. Celle d'un homme fragile, à la fois mystérieux, provocateur, insatiable, attiré par les forces mystiques, les drogues et l'alcool, malmené au plus profond de lui-même par son histoire familiale et par cette réussite sans doute trop brutale. Symbole d'absolu et de liberté, cet homme ne trouvait sens à la vie que s'il en repoussait toujours les limites, quitte à se brûler les ailes sur le chemin qui le conduira tout droit à sa propre mort en pleine gloire par une nuit d'été à Paris à l'âge de 27 ans. Il n'en fallait pas plus pour qu'il devienne un mythe, l'étage supérieur du statut d'idole. C'est à cette personnalité exceptionnelle que nous allons nous intéresser aujourd'hui et au mystère également qui entoure sa mort. Après le récit, nous donnerons la parole à notre invité Christian Eudlin, journaliste culture à l'hebdomadaire VSD, auteur de nombreux livres sur le rock, le punk, la variété française et d'une biographie référence sur Michel Polnareff. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Adrien Cara avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production Valérie Bourg, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle, lecture Eric Oswald et Maeva Pasquali, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui David Federman. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Vendredi 3 juillet 2015, Paris, 20e arrondissement. Il est 8h du matin lorsque s'ouvrent les grilles du cimetière du Père-Lachaise. Immédiatement, dans un élan aussi frénétique qu'enthousiaste, plusieurs dizaines de personnes s'y engouffrent. Appareil photo en bandoulière, sac à dos sur l'épaule, les plans du site à la main, ces individus au look hétéroclite n'ont pas le profil habituel des visiteurs de tombes. Bon, en même temps, le Père Lachaise est un carré people à lui tout seul, une place to be pour défunts célèbres. Ici reposent Guillaume Apollinaire, Simone Signoret, Yves Montand, Oscar Wilde, Molière, Desproges. C'est au Père Lachaise qu'on assoit une réputation et c'est dans la mort qu'on prouve la réussite de sa vie. Ce matin-là, il apparaît très vite que cette cohorte de visiteurs aux accents cosmopolites est constituée d'admirateurs qui se dirigent tous au même endroit. Quelques minutes plus tard, dans la 16e division du cimetière, un attroupement se forme devant une petite stèle. Dans le calme et le silence, les visiteurs se recueillent devant une modeste sépulture sur laquelle est gravée l'inscription en grec « Katatondai Omaiatoi » qui signifie « fidèle à son propre démon ». Certains portent des t-shirts ou des tatouages à l'effigie de la personne qui fut un temps enterrée ici et dont la dépouille a été depuis rapatriée aux États-Unis, Jim Morrison. Alors, on dépose des fleurs, des cigarettes, quand ce ne sont pas des bières, ou comble du chic, des poèmes énamourés. Un rituel affectif qui traduit le besoin d'immortaliser l'instant. Instant immortel dans un cimetière, les fans, eux aussi, ont le sens du spectacle. Le 3 juillet est une date dans l'histoire de la musique et du rock'n'roll. C'est en effet ce jour-là qu'à Paris, il y a 44 ans, donc en 1971, disparaissait Jim Morrison. Phénomène saisissant, une partie de tous ces gens que l'on voit en pèlerinage au Père Lachaise n'était pas née au moment de la disparition du chanteur. C'est dire la trace qu'il a laissée, comme le prouve d'ailleurs ses témoignages recueillis à proximité de la stèle. I'm an old hippie. Je suis une ancienne hippie, je l'ai vu sur scène, et depuis un des buts de ma vie c'était de lui sauter dessus, de l'avoir pour moi, mais cela n'est jamais arrivé. J'ai goûté des acides comme lui a goûté des acides, j'ai un peu été dans son monde, un peu ce qu'il a connu, ce qu'il en est mort, moi je ne suis pas mort, voilà. For the music, that's it. Intelligence and rock and roll. I feel happy because je me sens heureuse. Il a réuni tant de gens différents. It brings so many people together. Yes. Why do you like him? Pourquoi vous l'aimez? Parce qu'il a écrit des putains de sacrées bonnes chansons. The music is great. The man was la musique great. Est super. Le mec aussi. I don't know. Des jeunes et des moins jeunes, nourris pour ne pas dire galvanisés par les chansons, les rythmes et les mélodies des Doors. Fascinés également par la personnalité de Jim, chanteur mal dans sa peau, en proie au doute, à la peur et à la recherche perpétuelle de nouveautés et d'expériences aussi excessives qu'étranges. Une vie en inertie baignée d'alcool, de drogue et d'éternelle frustration. Est-ce donc cela qui, comme beaucoup le pensent, a conduit Jim Morrison à terminer sa route ici à Paris par une nuit pluvieuse ce 3 juillet 1971 ? Pour tenter de répondre à cette question qui aujourd'hui encore garde tout son mystère, il est nécessaire de se replonger dans l'Amérique du milieu du XXe siècle, à une période où Jim Morrison était déjà attiré par les ténèbres. L'histoire de James Douglas Morrison débute en Floride le 8 décembre 1943. Dès les premières lignes, le récit de sa vie commençante épouse celui de ses nombreux enfants élevés dans la tradition puritaine. En même temps, à la maison, Jim est très vite livré à lui-même et vit dans une atmosphère où l'absence d'affectivité et de toute forme d'émotion constitue un bagage bien lourd. Son père, officier supérieur dans l'US Navy, la marine américaine, est fréquemment absent et quand il revient en permission, il ne s'occupe guère de son fils. Sa mère, femme au foyer, trop occupée à gérer les deux autres enfants de la famille, laisse Jim vaquer à ses expériences. Une distance s'installe immédiatement avec ses parents, raison sans doute pour laquelle très tôt il apparaît refermé, timide, angoissé, cultivant un goût pour l'étrange, le mensonge, quelquefois l'imaginaire, souvent. Doit-on y voir là la seule porte qu'il ait trouvée pour s'évader de ce quotidien ? La lecture de ses bulletins scolaires révèle aussi cette dualité entre un élève brillant aux capacités bien supérieures à celles de ses camarades et ce jeune homme turbulent qui repousse les limites et qui semble aimer les situations où il se met en danger. Un avis partagé par le journaliste Jean-Marie Rousse, auteur d'une biographie de Jim Morrison. Très jeune, Jim Morrison, avant même d'être connu, il a toujours affirmé un côté révolté. Par exemple, c'était un excellent élève. Il était très brillant, il avait une culture phénoménale. Oui, mais un sacré enquiquineur, voilà, pour ne pas dire autre chose. On dirait aujourd'hui qu'il avait de gros problèmes de discipline. J'aurais pas aimé être son prof. Bon, y a des anecdotes assez intéressantes, mais il a un certain génie de la provocation. Un jour, par exemple, il descend la rampe sur les fesses, il descend la rampe d'un escalier, ce qui était interdit par le règlement, et il se fait cueillir à la sortie par un surveillant. Et Jim Morrison dit, mais monsieur, c'est pas possible, j'ai pas pu faire ça. Et pourquoi donc, Jim? Parce que je peux pas, je suis cul de jatte. Fréquemment mis à l'écart par ses camarades, le jeune Jim dévore les romans de Jack Kerouac et d'Aldous Huxley, la poésie de William Blake et d'Arthur Rimbaud. Il s'invente une vie, dessine des croquis abstraits, prend des notes, écrit ses premières rimes poétiques. À 16 ans seulement, il a le profil d'un artiste marginal qui surprend son entourage par sa maturité émotive et intellectuelle. Un profil qui rappelle étonnamment celui de John Lennon quand il avait son âge. Intelligent, artiste, dessinateur, révolté, tout y est. Et plus tard, le rock, bien sûr. La scène, la célébrité, l'insolence. Le véritable tournant dans le parcours du jeune Jim Morrison, c'est son entrée à l'université en 1961. D'abord inscrit en philo, où il brille par ses capacités d'analyse, il décide finalement, et contre l'avis de ses parents, d'étudier le cinéma à Los Angeles. 3 ans plus tard, nous sommes alors en 1964, Jim Morrison n'a que 21 ans, lorsqu'il quitte le domicile familial et rompt toute relation pour partir vivre sa vraie vie dans la Cité des Anges. Livré à lui-même, une fois de plus, il mène une vie de bohème, habitant un jour sur le toit d'un immeuble, le lendemain dans une chambre d'étudiant. En plein mouvement Beat Generation, il expérimente très vite les drogues et autres substances hallucinogènes qui circulent de façon abondante sur le campus de l'université. Parmi elles, la mescaline et surtout le LSD. Il aime passer des nuits ou des après-midi à écrire sous l'influence des drogues. Dans ses écrits, que l'on retrouvera par la suite, il mélange habilement l'histoire du cinéma et ses propres réflexions philosophiques sur la vie, la société. Et il avoue être fasciné par cet état proche de la transe entre conscience et semi-conscience, où tout paraît possible. Cette culture proche du chamanisme ne le quittera plus, tout comme l'expression sans limite et parfois avec outrance de cette colère intérieure héritée de son enfance qu'il cultive contre la société. J'ai toujours été attiré par tout ce qui traite de révolte contre l'autorité. J'aime les idées qui parlent de détruire ou de renverser l'ordre établi. Je m'intéresse à tout ce qui traite de la révolte, de l'ordre, de désordre et du chaos, et surtout aux activités qui semblent pour les autres n'avoir aucun sens. Je hais cette société où l'argent donne le droit d'avoir du pouvoir, et réciproquement ce pouvoir qui à son tour permet d'engendrer de l'argent. Parmi ce que je n'aime pas dans le monde dans lequel nous vivons, il y a la télévision. Elle est un bouclier invisible contre la réalité nue. Les gens s'y accrochent pour regarder des feuilletons et des films et ressentir des émotions à travers des symboles. Mais dans la réalité de leur propre vie, ils sont déjà morts. Paroles extraites d'une interview donnée plus tard qui définit l'influence sur Jim Morrison de ce mouvement collectif qui bouillonne aux États-Unis au milieu des années 60. On l'appelait la contre-culture, qui veut dire bien sûr contre la culture officielle bourgeoise. Autre influence, celle de Bob Dylan et de ses chansons politiques, la Protest Song. Et puis, très vite, la musique devient la nouvelle passion de Jim. Alors, licence de cinéma en poche, à sa sortie de l'université, il délaisse les arts visuels et se tourne vers le rock. Quintessence à cette époque de la culture rebelle. Un terrain de jeu qui ouvre déjà des groupes comme les Beatles, les Who, les Kings, les Rolling Stones, un champ des possibles dont le jeune Morrison mesure la dimension énorme et fabuleuse, un espace de création et de liberté sans limite. Los Angeles. Place de Venice Beach, août 1965. Jim Morrison, diplômé mais sans emploi, occupe son temps entre l'écriture de chansons et des petits jobs alimentaires. Il vit sur le toit d'un entrepôt, là, tout près de la plage. Un jour où il flâne sur le front de mer, il croise l'un de ses anciens camarades d'université, Ray Manzarek, sublime organiste qui donnera aux Doors ce son si particulier qui était leur empreinte musicale. Les deux hommes parlent musique et de leurs expériences passées qui se sont toutes soldées par un échec. Alors, les voilà disponibles pour l'expérience musicale. Manzarek soulève l'épineux problème des paroles dans ses textes. Et Morrison lui répond en fredonnant des bribes de ses poèmes, à commencer par Moonlight Drive. C'est une révélation. Ray Manzarek entrevoit immédiatement l'incroyable potentiel de Jim et le charisme de sa voix, hésitante, presque timide. La légende veut que Manzarek se serait exclamé entre deux rires « Hey mec, formons un groupe de rock et gagnons le jackpot, gagnons $1 million ». Quelques semaines plus tard, le batteur John Densmore les rejoint, puis c'est le guitariste Robbie Krieger qui débarque. Malgré les origines, une formation et des goûts différents, l'alchimie fonctionne entre ces quatre garçons qui n'ont plus le nez dans la poudre que les cheveux au vent. Bien que, côté Beatles, la fumette est toujours au rendez-vous depuis qu'ils ont rencontré Bob Dylan. Décidément, quel gourou celui-là. Quoi qu'il en soit, y compris à jeun, Jim Morrison dégage magnétisme auquel ses camarades n'échappent pas. Et c'est pourquoi le groupe se fédère autour de lui. Et tous les quatre répètent avec frénésie. Ils enregistrent quelques démos percutantes dans lesquelles, à la différence de leurs voisins californiens, les Beach Boys, il n'est pas question de soleil, de surf et de muscles, mais d'une profonde introspection métaphysique. Un voyage dans les entrailles de la souffrance, versant contraire de l'optimisme béat des groupes de la West Coast. Nous sommes en octobre 1965, l'aventure des Doors est lancée. Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the Doors! The Doors, les portes en français, devient le nom de ce groupe hétéroclite au succès pour l'instant incertain. Un nom choisi par Jim Morrison. Très influencé par le roman Les portes de la perception d'Aldous Huxley, Jim entend faire du groupe une passerelle entre le connu et l'inconnu, le visible et l'invisible, conscient et l'inconscient. Autrement dit, les deux côtés du miroir pour toucher tous les publics. Mais malgré cet optimisme dur comme fer et cette imagination débordante, les débuts sont difficiles. Le groupe se produit dans des bars de seconde zone, dans le Sunset Strip, des bars fonds de Los Angeles. Mais c'est pourtant ici, pendant plusieurs mois au début de l'année 1966, face à des publics parfois peu enthousiastes, que les Doors acquièrent le professionnalisme nécessaire à leur montée en puissance. Pour Jim Morrison, cette étape est indispensable pour vaincre sa timidité et maîtriser l'art de la scène. Une étape que le leader des Doors considérera quelques années plus tard comme salvatrice. Nos chansons les plus intéressantes se sont développées au fil du temps, après les avoir jouées et rejouées dans des clubs. Ça commence par une chanson dépouillée. Puis la musique prend la forme d'une rivière au son hypnotique. Cela me donne la liberté de créer à partir de tout ce qui me passe par la tête. J'aime les chansons, mais ce que je préfère dans mon art, c'est avoir la chance de pouvoir m'inspirer de la musique et de ce que dégage le public, et de suivre l'inspiration, où qu'elle aille. L'inspiration. Une notion qui, chez Morrison, est intimement liée à la prise de substances narcotiques ou hallucinogènes. Premier témoin et premier complice de cette pratique pour se rapprocher de la porte de l'entre-deux-monde, les autres membres du groupe, tout simplement. Sauf que, se limite à la drogue, Jim Morrison lui ajoute l'alcool et plus particulièrement le whisky. Ainsi, très vite, ce diabolique engrenage produit les premiers dérapages sur scène. Et un soir, ivre et sous effet de psychotrope, il improvisa un texte sur la mélodie de la chanson « The End », texte dans lequel il exprime toute sa rage contre ses parents. Des paroles brutes qui traduisent sans ambiguïté le mal-être du chanteur. « Father, I want to kill you. Mother, I want to fuck you. Père, je veux te tuer. Mère, je veux te baiser. » On avait rarement assisté à une telle transgression. Malgré le scandale déclenché ce soir-là, et qui a valu aux Doors de se faire jeter dehors, la polémique autour est vite éteinte, à tel point que ces paroles à la fois tribales et oedipiennes seront conservées dans la version de la chanson The End sur le premier 45 tours des Doors. Dans le courant de l'année 66, le groupe est remarqué par plusieurs maisons de disques de Los Angeles. Parmi elles, le label Elektra, qui signe avec le groupe un accord de production pour 6 albums. Les Doors entrent dans la cour des grands, par la porte. Et le premier essai est un coup de maître. L'album qui sort en janvier 67 est un succès, avec des titres emblématiques comme Light My Fire, premier tube et manifeste acid rock Break on Through to the Other Side, dont les paroles offrent de multiples interprétations. Le son du groupe, à la fois dynamique et subtil, doit beaucoup au rôle primordial des mots et à l'attitude du chanteur qui focalise toute l'attention. Et, disons-le tout net, la musique que produit les Doors est simplement excellente, brillante, puissante et surtout durable. Il suffit d'écouter leurs disques aujourd'hui. On le fait avec toujours autant de plaisir, la magie fonctionne, c'est la marque des grands. Au même moment, le leader des Doors rencontre celle qui sera sa compagne pour une relation aussi chaotique que psychédélique et durable, elle aussi, Pamela Courson. 10 mois plus tard, les Doors confectionnent un second opus aussi riche et inspiré que le premier, baptisé Strange Days. Moins de tubes dans ce disque, mais il consacre Morrison comme le sex symbole de l'époque, prêt à repousser toutes les limites. Un avis partagé par le réalisateur américain Oliver Stone, qui a consacré aux Doors un excellent biopic. Dans les années 60, beaucoup d'entre nous étions... Nous voulions être des rebelles. Et nous en étions. C'était comme ça pour Jim Morrison. Il voulait changer la vie, tout recommencer à zéro, essayer de nouveaux trucs, tout essayer et aller de l'autre côté. Il nous amenait là où le rock n'était jamais allé. Il y avait chez lui la beauté d'Elvis et la poésie de Bob Dylan. Il était vulgaire et éthéré à la fois. C'était un ange et un démon. À cette période, le groupe bénéficie d'un atout incomparable. Malgré les travers alcoolisés de son chanteur, rien ne paraît pouvoir ébranler cette confiance, cette inventivité et cette unité qu'il affiche sur scène. Sa musique devient l'ode au voyage vers un monde où le conscient et l'inconscient se confondent, à l'image d'un Jim Morrison qui, sur scène, semble rêver tout éveillé, face à un public qui lui ne rêve pas, qui est en transe, réellement. Au même moment, pendant l'été 67, l'Amérique du président Johnson et ses GIs ont mis leurs Rangers dans le bourbier du Vietnam. Pour Jim Morrison, qui s'insurge contre toutes les dérives de l'autorité, cette politique impérialiste est une provocation qu'il ne tarde pas à dénoncer dans le troisième album du groupe, avec les titres engagés comme 5-1 et Unknown Soldier, le soldat inconnu. En endossant l'habit d'un pacifiste, Morrison devient l'icône, pacifiste donc, de toute une génération. Malgré, pour cet homme, mi-ange, mi-démon, cette situation compliquée, les Doors sont au sommet de leur gloire. Moins d'un an après leur passage de l'ombre à la lumière, ils sont les stars attendues et désirées des plus grands concerts aux États-Unis, mais aussi en Europe, où leur musique déchaîne une cohorte de fans tout aussi accros au rythme et aux paroles sulfureuses des Doors qu'aux États-Unis. Pourtant, le groupe va bientôt connaître une descente aux enfers. Revers de cette soif d'expérience, de cette envie d'aller toujours plus loin de la part de Jim Morrison, l'incontrôlable, qui ne cessera d'emprunter le chemin de l'autodestruction. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. New Haven, Connecticut, 5 décembre 1967. Ce soir-là, les Doors se produisent à guichet fermé à quelques pas de la prestigieuse université de Yale. Face à une foule qui est loin d'être rebelle, Jim Morrison lance quelques provocations et railleries pour l'inciter à se rebeller justement, histoire aussi de créer cette atmosphère de chaos qu'il aime tant. Dans la salle sont également présents des policiers chargés de surveiller le comportement du chanteur qui prône l'amour libre, l'usage des drogues et la consommation d'alcool. C'est vers eux qu'ils se tournent, assénant insultes et gestes déplacés. À vouloir toujours repousser les limites, Morrison commet ce soir-là son premier impair. Son comportement est jugé si obscène qu'il est interpellé par la police sur la scène et mis sous les verrous pour trouble à l'ordre public et comportement immoral. C'est le début de la fin. Beaucoup tenteront de réduire l'importance de cet épisode en expliquant que Morrison était simplement déstabilisé par le succès et la notoriété soudaine des Doors. En réalité, le mal est plus profond. En témoigne l'enregistrement du quatrième album de Soft Parade, dans lequel le groupe connaît de vives dissensions. Pour la première fois, les compositions ne sont plus signées collectivement. Démotivé, Morrison refuse d'assumer certains choix du groupe et prend du recul. Malgré des ventes correctes, le disque est une déception. Sur scène, Morrison livre un spectacle qui inquiète ses camarades de jeu. Hors de la scène, Jim semble de plus en plus désintéressé par la musique. Il passe son temps sur un projet de film. Fasciné par le pouvoir des reptiles, il fait du lézard son totem. Fasciné par la mort, il est omnubilé par la question du passage dans l'au-delà. L'illustration de cet égarement, c'est le concert de Miami le 1er mars 1969, première étape d'une longue tournée à travers les États-Unis et qui se soldera par un fiasco. Ivre mort sur scène, Jim Morrison invective la foule. « Vous êtes tous une bande de putains d'idiots, vous allez rester longtemps comme ça, laisser les gens vous pisser dessus ?» Sauf que le public applaudit, ce qui laisse le chanteur sans voix. Morrison annonce alors qu'il va montrer son sexe. La soirée finit en émeute. Quelques jours plus tard, un mandat d'arrêt est délivré contre Jim Morrison. À peine commencé, la tournée des Doors est annulée. Interrogé par la chaîne NBC et dans l'un de ses rares moments de lucidité, Morrison se défend au nom de l'art. Je pense que la nudité n'est pas un crime, mais plutôt une simple partie du cycle dans la démarche des libertés. Et puis, ce que nous faisons n'est qu'un spectacle vivant qui peut avoir plusieurs formes. Je pense que les artistes au théâtre devraient pouvoir être libres de créer ce qu'ils veulent. Et je ne suis pas convaincu que la nudité soit quelque chose que l'on peut juger. L'art devrait pouvoir être libre de l'utiliser sans avoir peur d'être jugé après. Aux États-Unis, la presse à scandale fait ses choux gras des nouvelles frasques du chanteur. Cette presse musicale s'interroge. Jim Morrison en a-t-il assez de la musique ou essaie-t-il de saboter les Doors ? Heureusement sauvé par un génie créatif hors pair, le groupe réussit à maintenir la barre 2 années de suite avec 2 nouveaux albums. Morrison Hotel et LA Woman, sortis respectivement en 1970 et 1971. 2 perles aux racines musicales blues qui rappellent les premières chansons du groupe. Mais au printemps 1971, en plein mixage de leur 6e et dernier album, tel un lézard s'éclipsant, Jim Morrison abandonne le groupe. Il quitte Los Angeles et part se réfugier à Paris, ville des poètes qu'il admire tant et où il pense pouvoir tourner la page et retrouver enfin une paix intérieure. Barbu, Jim Morrison arrive incognito à Paris au début du mois de mars 1971. Il rejoint sa compagne, Pamela Courson. Il s'installe dans le grand appartement d'une de leurs amies mannequins. Cette adresse, 17 rue Boutreilly, dans le quartier du Marais, sera la dernière demeure du chanteur, au sens propre. À Paris, Jim écrit, il remplit les pages de grands cahiers jaunes à spirale. Il compose dans la salle à manger de l'appartement ou sur les bancs de la place des Vosges. Il aime marcher librement dans les rues de Paris, qui l'envoûtent. Il aime chiner, flâner sur les quais de Seine. Il adore vivre ce quotidien où personne ne l'importune. Il est redevenu un anonyme. Physiquement aussi, quel changement. Rien à voir avec le jeune Ephèbe qui faisait la couverture des magazines quelques mois auparavant, non. Ses cheveux longs et frisés, sa barbe dense et une bedaine naissante, l'ancien leader des Doors est devenu méconnaissable. L'un de ses grands passe-temps au-delà de l'écriture, c'est d'écumer les bars du quartier latin et faire la nuit la tournée des clubs, dont le Rock'n'Roll Circus, où il se rend fréquemment et où, parfois, trop ivre pour marcher, il est raccompagné à la sortie par des videurs. L'ancien directeur de l'établissement, Sam Bernett, en garde souvenir. C'est un garçon qui pouvait changer d'une minute à l'autre, qui pouvait être adorable, agréable, gentil, de bonne compagnie, de bonne conversation. Il est évident qu'à l'époque, il buvait énormément. Et dès lors qu'il avait dépassé la limite, il devenait insupportable. Jim est rattrapé par ses excès et sa santé se dégrade. Problème respiratoire, il finit par aller consulter un médecin qui lui diagnostique de l'asthme. Après un voyage avec Pamela de quelques semaines au Maroc et en Espagne, Jim se sent seul, de retour à Paris. Malgré la présence de quelques amis comme Alain René ou Agnès Varda, il peine à s'épanouir ici, dans cette ville, où les seuls Américains présents ne sont que des étudiants, des hommes d'affaires ou des diplomates, pas vraiment son trip. Pamela, sa compagne, raconte que vers 21h, Jim a quitté la rue Beautreillis pour aller dîner dans un café avec des amis à deux pas de l'appartement. Puis à 22h, ils repassent la chercher ensemble. Ils vont au ciné voir un film de Raoul Walsh, La Vallée de la Peur. Ils partent ensuite rejoindre d'autres amis dans un bar. Vers 1h du matin, ils rentrent rue Beautreillis. Ils ont bu. Ils écoutent de la musique jusqu'à 2h30 du matin. Enfin, vers 3h30, alors qu'elle s'est assoupie à ses côtés, elle est réveillée par la respiration bruyante de Jim, comme elle le racontera plus tard à la police dans son procès verbal. Je l'ai secoué, il s'est réveillé. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Je voulais appeler un médecin. À ce moment-là, Jim m'a dit qu'il se sentait bien et qu'il ne voulait pas voir de médecin. Il s'est levé et a marché dans la chambre, puis il m'a dit qu'il voulait prendre un bain chaud. Il s'est dirigé vers la salle de bain et il a fait couler son bain. Puis alors qu'il se trouvait dans la baignoire, il m'a appelé me disant qu'il avait la nausée et envie de vomir. Je suis allée dans la salle de bain. Il a vomi plusieurs fois du sang. Il m'a dit ensuite qu'il se sentait bizarre, mais qu'il ne voulait pas que je fasse venir un médecin. Quelques minutes plus tard, il m'a dit que cette fois, il allait mieux. Il avait repris des couleurs. Je suis allée me recoucher et je me suis tout de suite endormie. J'étais rassurée. Personne ne sait ce qui se déroule dans l'appartement pendant les heures qui suivent. Personne ne sait non plus si le témoignage de Pamela Courson est totalement crédible. Est-ce si important ? Car le résultat est le même. Je ne sais pas combien de temps j'ai pu dormir. Je me suis réveillée en sursaut. Et j'ai vu que Jim n'était pas couché près de moi. Alors j'ai couru à la salle de bain et je l'ai vu dans la baignoire. Sa tête n'était pas dans l'eau. Elle était appuyée contre le rebord. Il semblait dormir. Il y avait du sang qui coulait des narines. Je l'ai secoué. J'ai cru que j'allais pouvoir le réveiller. Je croyais juste qu'il faisait un malaise et qu'il était inconscient. J'ai essayé de le sortir de la baignoire, mais je n'ai pas pu. À ce moment-là, j'ai téléphoné à notre ami M. René pour qu'il appelle une ambulance. À 9h24, les pompiers arrivent à l'appartement. Pamela est encore en peignoir. Les secours progressent le long du couloir qui mène à la salle de bain. Jim Morrison est là, gisant dans la baignoire, mort d'une crise cardiaque à l'âge de 27 ans. Un décès qui intervient moins d'un an après la disparition de Jimi Hendrix et celle de Janis Joplin et qui laisse le monde de la musique en état de choc une fois de plus. Alors on se console comme on peut en se disant que Jim Morrison a échappé à une autre dérive, pas la sienne non, celle de la société. Comment aurait-il vécu ce que nous connaissons aujourd'hui? Ce renoncement à nos libertés, par exemple, au profit de notre sécurité, le retour à l'ordre moral, le politiquement correct, l'argent roi, le cynisme de nos sociétés de marché, l'idéologie sécuritaire. On ose imaginer quelle aurait été sa souffrance. Society, I want to kill you, I want to fuck you. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. treasures here, dug our treasures there. Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, vie et mort de Jim Morrison et au-delà, vie des Doors, avec notre invité Christian Odeline. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes journaliste culture pour VSD, auteur de nombreux livres sur le rock, le punk, la variété française et d'une biographie sur Michel Polnareff. Vous étiez déjà venu nous voir dans cette émission, précisément. Bien. Alors, quelle place tiennent les Doors et Jim Morrison dans votre panthéon personnel? Et après, on verra au-delà de vous, mais pour vous déjà. Pas plus que ça. J'aime bien les chansons, j'aime bien l'histoire, j'aime bien toute la mythologie que ça a entraîné, mais c'est pas l'un des meilleurs groupes des années 60 pour moi, quoi. Mm-hmm. Donc, je suis pas le fan absolu des Doors. Bien. Bon, on peut ne pas être le fan absolu et s'y intéresser, évidemment. Mais alors, là au-delà de vos goûts personnels et en tant que journaliste spécialisé, vous connaissez bien ces affaires-là, quelles traces laissent les Doors dans l'histoire de la musique rock et pop? Bah déjà, en volume, il y a beaucoup de livres qui sont écrits dessus parce que vous avez raconté la mort. Alors, on va commencer par la mort, mais c'est compliqué l'histoire parce que la mort, c'est quand même... c'est resté pendant très longtemps un mystère parce que Jim Morrison a fait une overdose dans un club... Et évidemment, Sam Barnett, en 71, il va pas dire « j'ai quelqu'un qui fait une overdose dans mon club ». On peut pas fermer le Rock'n'Roll Circus. Donc, le Rock'n'Roll Circus était un club qui avait un grand couloir qui allait dans l'Alcazar, et Jean-Marie Rivière était le patron de l'Alcazar, et en fait, ils vont pas faire disparaître, mais ils vont enrouler le corps de Jim Morrison pour le faire passer par le couloir et le faire sortir par l'Alcazar, et essayer de le ranimer après. Parce que si vous voulez, il est mort, il était en overdose, en petite mort, dans les toilettes de l'Alcazar. Mmh. Et pourquoi il va se retrouver dans la baignoire chez Pamela? C'est parce que c'est l'une des méthodes les plus connues pour réveiller quelqu'un qui a fait une overdose avec de l'héroïne. Mais vous avez oublié de préciser que le dealer Jean de Breteuil, qui est quelqu'un de connu entre guillemets, c'était le dealer attitré de... Pamela, parce que c'était Pamela la junk. Vous avez beaucoup parlé de dope, mais Jim Morrison ne prenait pas d'héroïne du tout. Mm-hmm. Il prenait que du hashish, des acides, un petit peu de LSD et de l'alcool. Pourquoi il était totalement bourré à Paris quand vous dites qu'il tape dans la porte du club et qu'on ne le laisse pas rentrer? C'est parce qu'il est ivre mort. Ouais. Il y avait beaucoup, beaucoup d'alcool. Il prenait pas du tout d'héroïne. Donc, ce jour-là, il est totalement bourré. Il goûte quand même un petit peu à la poudre qu'il a achetée pour Pamela, qu'il a achetée à Jean de Breteuil. Et elle est mortelle, elle est fatale. C'est pour ça qu'il va se retrouver dans une baignoire. Mais bon, Pamela, elle va pas dire aux policiers je suis une junk, au dernier degré. Voilà, c'est très compliqué l'histoire. Et puis, on est en 71, on est en France, on sait pas trop ce qui se passe. Jean de Breteuil, pour ça, pour vous dire que il y a pas beaucoup de dealers et la drogue est pas du tout répandue, c'est Jean de Breteuil qui aurait vendu la drogue qui a tué Janis Joplin. Et c'est Jean de Breteuil qui était le dealer et le petit ami aussi de Marianne Faithfull. Marianne Faithfull en a parlé il y a très peu de temps, encore une fois. Mmh. Et l'année suivante, il meurt d'une overdose, Jean de Breteuil. Hein. Donc c'est vraiment un petit monde. On est sur 10 personnes à Paris qui prennent ce genre de substances. Voilà. Et donc, la mort, rien que cette histoire, elle mettra des années à paraître au grand jour, parce que Sam Bernett, il a écrit un bouquin il y a 3-4 ans, mais 40 ans après, on va dire. Il y a prescription, son club, il n'existe plus. Quoi. D'où cette version officielle qui passe, hein, crise cardiaque. Bon, crise cardiaque. Il n'y a pas d'autopsie à l'époque. Qui c'est qui ordonne qu'il n'y a pas d'autopsie? Bah, c'est la maison de 10, c'est parce que ça représente quand même un petit peu d'argent. Tout le groupe, l'histoire du groupe. Voilà. Alors, après, la musique, elle est très très... Merci en tout cas pour toutes ces précisions qu'on n'a pas oubliées, mais c'est ça la complémentarité dans l'émission. Il y a le récit et l'invité qui peut apporter des éléments, et c'est formidable. J'avais fait une longue enquête pour BSD où j'avais interviewé les gens. Voilà. Bien sûr. Jim Morrison, à Paris, vous avez précisé qu'il était méconnaissable, il était bouffi, il s'était fait pousser les cheveux, la barbe, et c'est vrai que personne ne le reconnaissait. Il y a 2-3 personnes qui l'ont reconnu à l'époque. Hein. Ouais. Ça, c'est assez drôle. Dont Sam Bernett, qui savait que c'était Jim Morrison. Voilà. Quant à l'héritage des Doors, il faut aussi quand même préciser que si Jim Morrison n'était pas mort, je ne suis pas sûr qu'il aurait eu autant de succès. C'est le fameux mythe de... Non, mais regardez les ventes. De celui qui meurt prématurément. Regardez les ventes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 6 albums, je crois qu'il n'y en a que 2 qui se classent dans les charts à l'époque. Et 1 ou 2 singles qui se classent dans les 5 ou 6 meilleures ventes. Ouais. Quand on dit le premier album s'est vendu à 20 millions d'exemplaires, c'est une fois que Jim Morrison est mort quand même. Mmh. Donc, c'est un groupe qui est important, mais qui, s'il avait joué à Paris en 68, il aurait joué à l'Olympia. Il n'aurait pas joué dans un stade. C'est pas un groupe extraordinairement aussi important que les Rolling Stones ou les Beatles, par exemple. Bien sûr. Et donc, ce destin, là, cette destinée romanesque, si j'ai bien compris, de Jim Morrison, va donner de façon quasi posthume aux Doors une dimension qui n'était peut-être pas la dimension que ce groupe aurait eue par sa seule musique. C'est ça. C'est évident. Bon. Ça, c'est une évidence. Pourtant, quand même, quand on écoute... Mais prenez les Beach Boys. Ils ont eu un succès énorme pendant 7-8 ans. Révolutionnaire, tout ce que vous voudrez. Mm. Dans les années 70, on s'en fout un peu, il joue à l'Olympia, et puis dans les années 80, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, le mec qui meurt, donc évidemment, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il y a tous les fantasmes qui se mettent en place, mais c'était un très bon groupe, mais voilà, pas aussi important que Bob Dylan, Elvis, les Stones et les Beatles, voilà. Bien sûr, alors c'est ça qui est intéressant. Ça c'est important. Et c'est important parce que le décalage que vous avez expliqué fait qu'aujourd'hui on a l'impression contraire, hein, qu'on s'est dit, voilà, les Doors c'est dans le panthéon des très grands, alors que... Cela dit, quand même, si on écoute attentivement, et vous l'avez fait, j'imagine, c'est quand même une musique qui est intéressante dans sa recherche de racines blues, par exemple. C'est quand même réussi. The End, c'est, quand vous prenez la structure de cette chanson, cette montée en puissance d'un point de vue musical, il y a quelque chose. Le solo de Ray Manzarek sur Riders on the Storm, il est puissant quand même. D'un point de vue musical, c'est fort, non? J'ai pas dit que c'était un mauvais groupe. Non, je sais bien, pas un mauvais groupe, bien sûr. Il y a des très très bonnes compositions, des très bons musiciens, mais j'ai quand même envie de dire, comme il y a des dizaines ou des vingtaines de groupes à cette époque-là, aux États-Unis en plus. Bon, oui, la trace aurait pas été aussi importante. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Mais prenez tous les groupes un peu psychédéliques, peut-être un peu moins connus parce qu'ils sont pas morts, les Seeds, les Sorting Floors. De ce genre de groupe un peu qu'on appelle le psychédélique, parce que la musique psychédélique, on est supposé composer des chansons qui vont prendre comme source d'inspiration une prise de drogue hallucinogène. C'est ça le principe de la drogue, de la musique psychédélique. Bon, c'est un vrai courant dans la deuxième moitié des années 60 aux États-Unis. C'est un courant important avec plein de groupes excessivement talentueux. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'en Angleterre, vous avez quand même le Pink Floyd qui fait une musique qui est très très proche sur le premier album. Donc voilà, la musique... À l'époque, Syd Barrett. À l'époque, Syd Barrett, voilà. Qui était aussi complètement déjanté. Voilà, vous avez quelques caractères, quelques personnages comme ça qui vont mourir très jeunes. Donc vous avez ce fameux club des 27 avec Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jim Morrison. Ils sont 27 ils sont tous morts à 27 ans. Ah d'accord. C'est ce qu'on appelle le club des 27. C'est mort à 27 ans. Ils sont morts à 27 ans. Brian Jones, voilà. Mais alors, de là à imaginer qu'il y a une sorte de d'un complot, une théorie de la CIA, c'est quand même un chemin que je ne m'autorise pas à prendre. Bon, nous non plus. Hein, voilà. Mais vous avez plusieurs livres qui est sur les morts qui ont eu 27 ans. Parce que Kurt Cobain, quand il se tue, il a 27 ans. C'est compliqué. 27 ans, voilà. Oui, absolument. Bon. Alors, ils ont été au moins une bonne quinzaine. Ils ont été une quinzaine, oui. Pas 27, voilà. Mais au moins une bonne voilà. quinzaine. Alors, dans cet univers, il y a aussi une autre figure qui n'entre pas dans l'histoire, mais qu'on va écouter, c'est celle de Marianne Faithfull, qui est une égérie de plusieurs, hein, de ces grands monstres sacrés du rock. Et elle chantait une chanson qui s'appelait, tellement connue, Sister Morphine, 1969. Christian Dean, nous parlons donc des Doors, des Doors en général et de Jim Morrison en particulier. Alors, on a beaucoup parlé, y compris dans le récit, mais on en parle dans les livres un peu partout, du traumatisme de Jim Morrison pendant son enfance, la non-communication avec ses parents, cette espèce de révolte chevillée au corps dès le plus jeune âge. C'est ça la construction du personnage Jim Morrison ou pas? Où il y a une part de mythe ou de roman? Je crois qu'il n'y a pas que ça. Et la chose la plus importante qu'il faut comprendre, c'est que c'est le mouvement des poètes beat, c'est-à-dire vous avez parlé de Jack Kerouac, oui. Allen Ginsberg, ce sont des gens qui vont essayer de proposer une alternative au mode de vie traditionnel américain. Donc ils vont dire, essayez de vous ouvrir, de multiplier les expériences et de ne pas rester cantonné au travail que les parents aimeraient que vous ayez. Mm-hmm. Donc c'est le grand principe beat. Alors ça va passer par le voyage, par l'expérimentation et par le jazz. Jim Morrison et Raymond Zarek, quand ils se rencontrent sur cette fameuse plage de Venise, ils sont tous les deux, ils lisent les mêmes livres. Donc c'est ça la connexion, c'est la poésie. Aldous Huxley, voilà, tous les poètes beat. Donc et évidemment ils vont parler musique ensuite. Il y a une sorte de culture qui n'est pas la culture officielle, qui est un petit peu sous le manteau. Certains livres sont interdits. C'est cette tradition-là beat qui est essentielle pour comprendre la naissance des Doors et pour comprendre tout ce mouvement de la jeunesse pendant les années 60 qui refuse la société que leurs parents veulent leur imposer. Quand on dit leurs parents, c'est papa et maman, mais c'est aussi évidemment les policiers, le gouvernement, etc. Le gros problème pour le gouvernement des États-Unis qui tente déjà de tout contrôler, Aldous Huxley le raconte très bien dans 1984, etc., c'est que ces groupes de musique pop et rock vont avoir de plus en plus d'influence sur la jeunesse. C'est-à-dire que tous les gamins qui ont 15, 20, 25 ans aux États-Unis aiment au moins des groupes dont on parle, Beach Boys, Doors, etc. Donc quand on parle de ce fameux incident du 1er mars 1969 à Miami, que vous avez évoqué tout à l'heure, où Jim Morrison aurait supposément montré sa bite. Bon. Bah, il l'a fait ou pas ? Alors, voilà, moi, le plus simple, c'est quand même, j'ai interviewé les trois autres Doors. J'ai interviewé Raymond Zarek, Robbie Krieger et John Densmore. J'aurais dit, bah alors, elle est comment ? Bon, voilà. Et Raymond Zarek, il était au piano quand même, il était à un mètre. Il m'a dit, mais à aucun moment il ne s'est dénudé. Il dit, je vais me mettre à poil, mais comme une provocation, parce qu'il est sur... Une métaphore aussi, peut-être. Voilà. Une métaphore, mais il a le pouvoir, il a le micro, il est sur scène, c'est sur lui que les projecteurs sont tournés. Donc il a commencé à se déshabiller. Mais les videurs, les rôdes du groupe ne l'ont pas laissé se déshabiller. Ouais. Il savait que c'était scandaleux et qu'il aurait fini tout de suite en prison. Donc tout ça, c'est vraiment une manipulation du gouvernement et des policiers pour essayer de trouver de dire, vous voyez, c'est pas bien, ça, c'est pas un modèle pour la jeunesse. Parce que il faut, même si c'est pas un groupe qui remplit des stades, c'est un groupe qui remplit des salles. Il y a un peu d'argent, ça se vend. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est le manager du groupe. Il a tout de suite envoyé ses rôdes. Il a dit, mais vous le laissez pas se déshabiller. Donc Raymond Zarek, il lui dit, mais j'ai jamais vu Jim Morrison à poil ce jour-là. Bon. Le procès qui fera les gros titres, ils seront condamnés que à 5 000 $. Alors, ce qui est une somme énorme pour l'époque, mais pas quand vous êtes artiste et que vous vendez quand même des disques. C'est quasi symbolique. Voilà. Pour marquer le coup. Il y a une dizaine d'années, le juge de l'époque a dit « j'y suis peut-être allé un peu fort ». Et je crois qu'il y a eu un jugement, je suis même sûr, ils ont demandé pardon. La cour de Miami a dit... Désolé de vous avoir condamné. Donc voilà, c'est quand même très significatif. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces groupes-là disaient à la jeunesse, faut pas aller faire la guerre au Vietnam, faut pas écouter tout ce qu'on vous dit à la télé. C'est quand même un enseignement frais et qu'on pourrait adopter aujourd'hui. Si des auditeurs veulent aller plus loin, peut-être peuvent-ils regarder aussi, on l'a évoqué rapidement, le film d'Oliver Stone, le biopic, qui s'appelle Les Doors, que j'ai trouvé moi tout à fait intéressant. Je sais pas, c'est du cinéma, hein, c'est une histoire qui est inspirée de cette histoire. On entre bien dans l'intimité des Doors. C'est Val Kilmer, je crois, qui joue le rôle Jim Morrison. C'est absolument confondant. Oui. C'est absolument formidable. Il nous reste 30 secondes. Que deviennent... Krieger, Densmore, Manzarek. Quand ils ne se battent pas pour les droits musicaux du groupe et qu'ils ne sont pas devant la cour, parce que il y en a un des trois qui a écrit un livre sur tous les combats judiciaires pour l'argent, ils essayent de faire de la musique, mais ils sont âgés quand même, ils approchent les 80 ans, donc ils ont droit à une retraite aussi. Ouais, enfin bon, et puis comment vivre, faire vivre le groupe sans... autant Floyd s'en est bien tiré après Syd Barrett, puisqu'il y a eu Gilmour et Waters. Là, sans le gym, c'est impossible. Ils ont essayé, hein, Doors avec un autre chanteur. Il leur manquait juste l'essentiel. Pourtant, c'est de bons musiciens aussi. Krieger est un bon guitariste. Manzarek, un bon organiste. Densmore, un bon batteur. Mais il n'y avait pas la voix. Bon, voilà. Merci Christian Hedelin. Merci beaucoup. À vous. Au revoir, à bientôt. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, Vie et mort de Jim Morrison, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, elle sera consacrée à un artiste qu'on aime passionnément ici. Il s'appelle François Truffaut. Bah oui. France Inter présente le livre Olympics, l'étonnante histoire des Jeux. 150 aventures sportives pour découvrir les Jeux Olympiques. Olympics, Doric Colodny, un livre France Inter.